Ça demande de l'énergie, ces putains de morceaux. De l'énergie au chant, surtout, quoi. Non, je garde ce riff en mémoire, là, mais... j'aime bien, en tout cas, ce riff. Je vois que tu t'éclates, au cerveau. Hein. Tu me fais un petit riff là, puis je passe au chant. Hein. Parce que beugler comme ça, c'est pas évident. Hein. Faut beugler comme un pig là. Ouais, si tu veux du jazz manouche. Je vais essayer de caler ma voix dessus. Je vais la faire à la Brassens. Non, ce n'était pas le radeau, ni la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Oui, il naviguait en perpénard, ni la méduse, ce radeau. Ouais, si tu veux. Je vais essayer de t'accompagner, tu sais, avec quelques instruments. Je sais pas, peut-être une basse, un piano et puis une guitare, mais on verra. Puis je vais essayer d'improviser au chant. J'ai envie de passer au chant aujourd'hui. Hein. Je suis pas chanteur hein, à l'origine. Hein. Quand je fais souvent les secondes voix et puis les troisièmes voix des artistes ici, là. Donc. Les mecs sont pas trop rock ici, c'est pour ça. Mais non, mais fais un petit truc, là, je sais pas. Un petit truc qui te fait kiffer, je sais pas, du blues ou du jazz. Tu mets un petit drum loop là et puis tu enchaînes dessus et puis moi je te suivrai quoi. Oui, vas-y. Je choisis les BP, les mesures, le nombre de mesures aussi, parce que là j'ai mis sur 64 mesures là. C'est pour que le morceau précédent là, tu puisses avoir un petit couplet puis un petit refrain, quoi. Et si tu veux l'enchaîner en deux mesures ou quatre mesures, c'est bon aussi pour moi. Oui, 220, ça a l'air d'être sacrément rapide, 220. Enfin, ça dépend. Hein. Soit c'est en 220 et puis tu as coupé le tempo en deux quand tu joues, là, mais c'est rapide en 220.